enfant blanc, un enfant brun, quatre colombes et un jardin. Un enfant blanc, un enfant brun, qui rit en se tenant la main. Un enfant blanc, un enfant brun, qui chante le même refrain. Quatre colombes et un jardin, tout est soleil, on se sent bien. Je ne connais pas les mystères, tous les secrets de l'univers que l'on a déjà découvert. Mais je crois qu'un jour un savant sur chaque étoile au firmament découvrira tout simplement. Deux enfants blancs, deux enfants bruns, quatre colombes et un jardin. Deux enfants blancs, deux enfants bruns, qui rient en se tenant la main. Deux enfants blancs, deux enfants bruns, qui chantent le même refrain. Quatre colombes et un jardin, tout est soleil, on se sent bien. Quand les étoiles vont danser dans la lumière d'un ciel d'été, je sais que tout peut arriver. Et dans un monde scintillant, j'imagine un peuple d'enfants vivant heureux, tout simplement.